suis reparti à la chasse. Comme un soviétique, quand je me montre pas, j'y rencontre pas le bruit des psychics. Pas un connard qui a les couilles de prendre ma place. Luxembourg, Crédit Suisse, Bitpod S. J'ai retourné tout à Wehrmacht, à Santa Cruz, Kaiser, Stargate, Slider, Monza, Spider, 4S, 992. Un ex-alcoolique qui sait pas gérer. J'suis sur la potence, le nœud mal serré. J'te dis ce que j'en pense, 30 ans de rap en France. Heureusement que j'suis là, j'aurais galéré. Rater tout ce qu'on fait, je sais ce que ça fait. Et tout réussir, je sais ce que ça coûte. J'écoute plus rien ce soir, le monde se tait. Quand je ferme les yeux à 200 sur la route, si je la colle, c'est ta fierté qui prononcera mon nom comme un grand désastre. Ni de la pomme, ni de la mauvaise graine de celle qui pousse au printemps des monstres. Le tonnerre grogne, le ciel ouvert en deux lunes et soleil, on revu Pégase. En pleine nuit, l'ouvre a remis les gaz. La frontière en moins d'un tour sur la mont. Holding, régime, fiscal, niché, grosse mont, seigneur, blindage, piché. Où sont t'es tu, tu montes, mais tu joues pas. Si tu sais pas tricher, fais pas le giro, fais pas le rital. Lito qui parle des points, Lito, Yannick, c'est pas la capitale. Ma gueule, on a les capitaux. C'est bien l'heure du deck sur la Daytona. Résonne un coup de fusil à peau.